On va parler de la série des Saguenay contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Habituellement, on le faisait en table ronde, mais il y avait un conflit d'horaire, ce qui fait en sorte qu'on va parler séparément avec. On a parlé avec Sébastien Morin, on va parler avec la station CHUN à Rouyn-Noranda, Jean-Paul Charlebois. Parler du septième match qui a lieu ce soir. Bon après-midi, Jean-Paul. On n'a pas dit, Danny. Hey, Jean-Paul, est-ce qu'on aurait prévu. Moi, hier, j'avais prévu un septième match, effectivement, mais jamais 9 à 2. Moi, j'avais dit 4-2 d'un filet désert, mais est-ce qu'on a été surpris quand même de la prestation des Huskies? Ben, oui, quand même, moi non plus, je m'attendais pas à ce que ce soit 9 à 2, là, Oui. mais pas surpris de la façon dont l'équipe est sortie, mais certainement pas un 9 à 2, là, je pense que tout le monde est Un un peu surpris par ça, là. peu bouche bée, effectivement. Jean-Paul, comment tu vois la suite des choses? Est-ce que tu as parlé avec Gilles hier? Est-ce que tu as parlé après avec les joueurs? Tout de suite, on met ça de J'ai côté. parlé après le match hier, évidemment, j'ai assisté au scrum là, avec OK. Bouchard, puis avec les trois joueurs des Huskies, Alexandre Fortin, Jérémy Lauzon et Jacob Neveu. Ce matin, j'ai pas eu l'occasion de voir personne là, parce que j'avais des entrevues à faire pour le match de ce soir, aux entrevues dans les entractes à la radio, et puis j'avais aussi une émission de télévision ici hebdomadaire, donc j'étais en entrevue ce matin, donc j'ai pas eu le temps de rencontrer personne. Là. Mais comment je vois ça? Je pense un peu comme Gilles Bouchard. Les Huskies ont mis la switch à off hier à minuit, c'est ça la règle. On oublie le match d'hier, et puis un septième match à jouer, en sachant très bien que les Saguenay vont venir en force, et vont pouvoir rebondir. Il y a des joueurs de caractère dans cette équipe-là, des gars comme Nicolas Roy, Joey Rattel, Frédéric Allard, entre autres. Donc, ils savent qu'ils vont venir en force. Et puis, il va falloir que les Huskies jouent avec la même intensité et la même détermination qu'hier s'ils veulent l'emporter. C'est aussi simple que ça. La foule de Rouyn-Noranda peut-tu être un facteur? C'est sûr que j'aime mieux gagner. Jouer un septième match, j'aime mieux jouer chez nous que jouer sur la route. Sauf que je regarde les statistiques. Au cours des 10 dernières années, 56% seulement des équipes qui ont reçu ont gagné le septième match. Donc c'est pas si on se fait des statistiques, c'est pas acquis non plus, là. Ah, absolument pas. De toute façon, on peut faire dire ce qu'on veut avec les chiffres, hein? Et puis je me fie pas à ça, ben moi, honnêtement, là, c'est pas moi les statistiques, là. Les statistiques sont là pour être déjouées, bien souvent. Alors 56% de l'équipe qui a reçu le septième match, ben je pourrais t'en citer d'autres statistiques. Je veux dire que les Huskies dans leur histoire, un septième match, ils n'ont jamais perdu un septième match dans leur histoire. Oh, OK. Ça peut jouer d'un côté comme de l'autre, là. Et, Ouais. Moi, j'aime pas bien jouer avec les chiffres. OK. Dis-moi, du côté des blessures, comment ça se passe du côté des Huskies? C'est une équipe canadienne qui était amochée. Est-ce que ça va quand même bien de ce côté-là? Ben, il y a toujours Martin Zirkas qui a essayé de faire un retour au jeu hier, là, qui n'a pas été en mesure de le faire. Je ne sais pas ce qui va en être aujourd'hui. Est-ce qu'il va être un peu mieux, je ne sais pas. Bien sûr, Antoine Wakehead, on compte pas sur lui. Antoine Wakehead, s'il revient au jeu cette année, ça va être pour la finale. Pour l'instant, on pense pas à lui, mais il a joué un rôle très important derrière le banc hier. Antoine Wakehead était derrière le banc des joueurs et était là il était dans un apport considérable au niveau du sport, c'est compliqué, là. Et à part ça, ben Jacob Neveu est revenu au jeu et ça paraît. OK, ah ouais, c'est sûr. En désavantage numérique, c'est un gars qui est solide devant le filet, qui bloque beaucoup de tirs. Donc, ça a paru hier, sa présence a paru énormément. Puis, il est allé en plus d'un but 2 passes hier. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Évidemment, c'est un match d'extrême importance. Est-ce qu'il y a une ambiance à Rouyn-Noranda actuellement? Ah, mon Dieu, oui. Ah oui? OK. C'est comme à Chicoutimi, là. C'est à peu près la même chose qu'à Chicoutimi. Le seul hic, là, c'est comme à Chicoutimi aussi. Il y a des gens qui prennent, qui regardent le Canadien. Puis pour eux autres, c'est une religion. Alors, ils vont pas à l'aréna à soir parce que le Canadien est à la TV. Mais on s'attend à une meilleure foule qu'hier. OK. Pour ce soir. Et la foule hier a été un atout considérable pour la meute. Hey, comment que ça se passe avec les Foreurs éliminés? Est-ce que les gens de Val-d'Or se rallie aux Huskies ou c'est comme Canadien Nordique, c'est n'importe qui sauf les Huskies? Non, ben, je te dirais qu'il y en a plusieurs partisans des deux équipes quand l'autre équipe continue d'être en série, sont derrière l'équipe. OK. Il y a des inconditionnels, des gens là, qui n'est pas question qui supportent les Phares ou les Huskies, là, dépendant de quelle allégeance on est. Ça, il va toujours en avoir. Il y en a qui souhaitent simplement qu'ils se fassent éliminer le plus vite possible. Mais okay, il y ouais. en a quand même un bon nombre qui sont derrière l'équipe de la Lituanie. OK. Ben, Chicoutimi, justement, cette semaine, la semaine passée à Chicoutimi, là, dans le lobby de l'hôtel où on était, là, il y avait un gars avant le cinquième match qui disait « Ah, vous avez une grosse game à soir. Je viens de Val-d'Or. J'espère que vous allez gagner. » Ça fait que c'est un peu ça l'ambiance. OK. Ben, Jean-Paul, un gros merci. Ça fut fort agréable de la collaboration avec toi et Sébastien également. J'espère que la route des Sags, évidemment, au lac Saint-Jean, va se poursuivre. Mais si on a pour être battu, j'aimerais être battu par un des nôtres, Gilles Bouchard. Fait que je m'en tiens quand même pas pire, hein? Hein? Ça serait une bonne constellation. Ouais, c'est une bonne constellation. Voilà, donc c'est Jean-Paul Charlebois que vous entendez ce soir à compter de 19h, 18h50 avec l'émission d'avant-match à CHUN à Rouyn-Noranda.